ole na kisanga injela karakaka. Princesse Margot Ibata, le grand pétrolier Eugène Makwa. DJ Frank. Première dame, maman Gouli. Aïe, Chitemba. De vie d'amour, n'a côté ça qui, papa. Multiplié par nombre inégal, caca. Déjà ma bande avant pour taïa car c'est tout seul et la bonne côté maillé les caca. Systématique. À son nom. Patron, bakota ka barte, hein? Avec Jésus, non.